le lever du soleil, c'est ma première pensée. Manger léger, faire du sport, rentrer dans les normes. Parce qu'il faut avouer qu'une fille, bah c'est toujours énorme. Il a bien fallu que je me prenne par la graisse pour prendre rendez-vous chez le marchand de rêves qui a déclaré à ma bonne bouffe un moment de trêve. On m'a promis qu'en m'accrochant, j'y arriverai. À coups de piscine, de courgettes et de grandes bouteilles d'eau, je me voyais déjà avec de beaux abdominaux. Mais au bout d'une semaine, j'avais toujours mes abdos crocs. Vous avouerez que du Coca Light, c'est pas une bonne bière. Et que les pommes vapeurs sont bien loin de la tartiflette. J'aurais donné ma vie pour une bonne raclette. Bien sûr que j'ai pensé que les deux doigts dans la bouche c'est plus radical. Mais en regardant ça se discute sur les filles qui ont essayé, je me suis dit qu'en fait, bah valait mieux manger. Alors j'ai commencé à apprécier le pâté, à revoir ce rouge blanc mais avec beaucoup moins de lait. Les quelques kilos perdus sont revenus au galop. Bon rendez-vous, le docteur, là c'était de trop. Sauf que moi le courage je le retrouve dans la bouffe. Et qu'il faut que j'ai bien mangé pour pouvoir dire ouf. Je me suis accrochée sans attendre de résultat, en essayant de faire s'entendre salade et chocolat. Un peu de muscu par-ci et de canapé par-là. Tout ça pour dire qu'en fin de compte je comprends pas pourquoi un jour il a fallu que je pense à ça. Alors je regarde du haut en bas en me disant que je suis pas grosse et puis voilà. Et les jours où je suis pas convaincue, ben je me regarde plus. Et puis je vous assure les nanas que c'est bien plus simple comme ça. Quand on regarde les autres, ben faut s'habituer. Je suis sûre que ça se discute, à déjà traité le sujet. La la la la la. Chez Fambre.